Chapitre 19e, le vieux deal et son jabot. C'était une charmante matinée du mois de juin. Tout Westline était en mouvement, en proie à une animation extraordinaire. Les habitants se dirigeaient en foule vers l'église Saint-Jude. De quoi s'agissait-il donc? Du mariage de Barbara. Mademoiselle Carlyle se posa en martyr, et dédaignant tout ce faste et tout cet étalage, comme elle l'appelait, elle s'obstina à rester chez elle. Elle avait invité les enfants de Carlyle, Joyce et la gouvernante, à venir passer la journée avec elle dans sa vieille habitation d'autrefois. Deal se compromit terriblement cette matinée, et il dut se trouver fort heureux d'en être quitte à meilleur compte que lors du premier mariage de Carlyle. Vers 10 heures, il se présenta chez Mademoiselle Cornélie, dans l'intention de la féliciter sur la nouvelle union qu'allait contracter son frère. Il s'était imaginé que cela serait poli de sa part et de bon goût aussi. Le pauvre homme tenait à ses vieilles habitudes d'autrefois. Cornélie était assise dans la salle à manger, les bras croisés sur la poitrine, lorsque le maître clerc apparut devant elle. « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? » fit-elle en le regardant. « Comment, qu'est-ce que c'est que ça ? » riposta le vieux Deal, blessé dans son amour-propre. « Mais c'est moi, mademoiselle, votre très humble serviteur. Je vais au mariage de mon excellent maître, et j'ai cru devoir me mettre en frais de toilette. Vous le voyez ? Suis-je trop coquet ?» La coquetterie du maître clerc consistait en un gilet blanc à boutons d'or et une chemise à jabot brodé. Ce jabot, Cornélie le toisait d'un œil irrité et moqueur. « Et vous avez le front d'appeler cela coquet ?» s'écria Cornélie avec exaspération. « Mais on me payerait, que je ne voudrais pas me donner en spectacle à fubler comme Boulette. C'est bête, c'est ridicule, c'est inconvenant. Vous allez avoir après vous tous les gamins du pays. Comment, à votre âge, osez-vous vous montrer au grand jour avec un jabot brodé, parbleu? Il ne vous manque plus que des rosettes de ruban au basque de votre habit. Vraiment là, ça n'irait pas mal. Mais, mademoiselle, hasarda timidement le vieillard, il me semble que mon habit est on ne peut plus simple. Simple, dites-vous! Ah ça, comment vous les faut-il donc? Pourquoi alors ne l'avez-vous pas fait faire avec une guirlande brodée sur le col, avec des manches de brocart d'or, avec fleurs écarlates et une collerette de duvet de cygne? « Un jour de noces, mademoiselle, on aime à se mettre un peu mieux qu'à l'ordinaire. C'est une politesse que l'on doit aux personnes qui nous font l'honneur de nous inviter. Mais il y a un juste milieu à observer. Savez-vous votre âge ? Mais j'ai 60 ans passé, mademoiselle. »« Oh oui, passé, et depuis longtemps passé. Eh bien, pensez-vous qu'il soit décent pour un vieillard qui court sur 70 ans de se déguiser de la sorte ? Moi, cela me révolte. » Vous allez être la risée de tout le monde. On va vous cribler de quolibets. Et j'en ai peur pour vous. Les petits garçons vont vous attacher une poêle à frire au derrière. » Le vieux Deal comprenait bien qu'il n'était pas vêtu d'une manière excentrique. Toutefois, il respectait trop l'opinion de Mademoiselle Carlyle pour entrer en discussion avec elle à ce sujet. Il crut qu'il valait mieux tâcher d'aborder immédiatement le chapitre des félicitations. « Mademoiselle, je suis venu vous offrir mes félicitations les plus vives, les plus senties, à propos de l'heureux événement qui va donner à mon maître une épouse et à vous, mademoiselle, une sœur bien-aimée. Assez, assez ! » cria Cornélie avec colère. « Restez-en là ! Et au lieu de m'offrir vos ridicules félicitations, offrez-moi plutôt des condoléances. » « Comment, mademoiselle ? Vous n'y songez point ? Vous voulez qu'en un jour pareil ? Assez, vous dis-je, assez ! Archibald est fou d'aller s'empêtrer ainsi d'une autre femme. N'en a-t-il pas eu assez d'une ? Je l'ai toujours pensé, et je le pense plus que jamais. Archibald a la tête un peu fêlée. » Le vieux Deal aurait bien voulu réfuter cette calomnie lancée à la tête de son cher maître, mais l'irascibilité de Mademoiselle Cornélie lui conseillait de se montrer circonspect et prudent. « Dans tous les cas, reprit-il doucement, vous ne sauriez blâmer le choix qu'il a fait. Comment ? Vous l'approuvez donc, vous ? Très certainement, mademoiselle, c'est la plus jolie fille de l'endroit qui l'épouse. Taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites. C'est une paresseuse, une insolente, une coquette, qui ne songe qu'à son minois de poupée, à son Archibald. Soyez convaincue, mademoiselle, qu'elle sera pour lui une excellente femme et qu'elle ne le traitera pas à la manière de l'autre infortuné. Ah ! Vociféra Cornélie. Si elle devait le déshonorer comme la première, si je le pensais, j'irais de ce pas à l'église, j'empêcherais le mariage, ou si je n'en venais pas à bout, je l'étoufferais de mes propres mains. » Et en prononçant ces paroles, elle se mit à arpenter la chambre. Subitement, elle s'arrêta devant la fenêtre. « Pour qui, cette voiture ? » demanda-t-elle vivement en voyant un cabriolet à la porte. « Une voiture ? » fit le maître clerc en allongeant sa tête chauve. Ah, c'est mon cabriolet, celui du moins que j'ai loué pour l'occasion. Comment ? Vous avez loué un cabriolet ? Ah, ça vous est donc goûteux que vous ne pouvez pas vous rendre à pied jusqu'à l'église Saint-Jude ? Je ne vais pas directement à l'église. Je compte passer d'abord chez M. Hare, et j'ai cru qu'il serait plus convenable, plus respectueux d'y aller en voiture. Vous auriez dû chausser aussi des escarpins et mettre des bas de soie à coin rose. Les sarcasmes de Mademoiselle Carlyle contrariaient le pauvre Odile, mais il y était trop habitué pour s'en formaliser. « Voyez donc la foule, mademoiselle, » continua-t-il en regardant dehors. « Tout ce monde ne pourra trouver place dans l'église. »« Tant mieux, » répliqua Cornélie, « il s'y trouvera moins de niais. » Le vieux Odile prit congé de Mademoiselle Carlyle et il disparut avec le cabriolet. L'église débordait comme un vase trop-plein. On y était accouru de distance impossible. Comme il n'y avait pas de place pour tout le monde, les uns se placèrent dans le cimetière, les autres restèrent sur la route. Ce jour-là, on marchait sans respect sur les pierres tumulaires. Sur la balustrade qui entourait le tombeau de Mount Severn, se trouvait perché une douzaine de petits marmots, formant ainsi autour du mort une guirlande de vivants. Il était 11 heures, et les fiancés cependant n'arrivaient point. La populace en haillons s'impatientait au dehors, la foule en habits riches s'impatientait au dedans. Ces derniers avaient eu de plus que les autres le privilège d'étouffer depuis plus de 2 grandes heures. « Mais écoutez, c'est un bruit de voiture. Les voilà !» Le bedeau et ses suppôts écartent la foule entassée tout auprès de l'autel. Carlyle entra le premier dans l'église, calme, maître de lui-même, et attirant sur lui tout le regard par cette noblesse qui lui était propre et habituelle. La douce et délicate Madame Hare s'avançait soutenue sur le bras de Sir John d'Obed. « Mais quel est donc cet homme qui approche ?» On dirait à le voir que l'église entière lui appartient. Il est imposant, magnifique, sévère et renfrogné. Il porte une perruque blonde toute neuve et à sa boutonnière s'épanouit une rose blanche. C'est le juge en personne, c'est le père de la mariée. Un remuement général a lieu en ce moment. Tout le monde veut voir la jeune fille et pour cela on se pousse, on se heurte, on se presse et on monte sur les chaises. Elle en valait, ma foi, bien la peine, car elle était belle, charmante, parée de sa robe de soie blanche et de son voile au long pli. Ses joues, tantôt rivales de la rose, tantôt plus pâles que son voile, trahissaient une profonde émotion. À la suite de Barbara, venaient les demoiselles d'honneur à la démarche gracieuse et fières de leur importante fonction. C'étaient Louise d'Obed, Augusta et Catherine Herbert et Marie Rinner. Carlyle était déjà à sa place devant l'autel. Il se leva à l'approche de Barbara, la prit par la main et la plaça à sa gauche. La cérémonie commença. En dépit de son extrême agitation, Barbara fit vaillamment toutes les réponses. N'en doutez pas, à cette heure, en cet instant si solennel, la femme qui aime sincèrement celui qu'elle épouse est émue, profondément émue. Le pasteur prit la parole selon le rite anglican. Voulez-vous pour époux cet homme ? Promettez-vous de demeurer avec lui dans le saint état du mariage, selon la divine ordonnance ? Promettez-vous de lui rester obéissante, de le servir, de l'aimer, de l'honorer, de lui être fidèle dans sa bonne fortune comme dans le malheur? Promettez-vous de vous dévouer entièrement à lui seul, tant que vous vivrez ensemble? Je le promets. Il prononça ces mots d'une voix claire, ferme et pénétrante. On eût dit qu'elle pensait alors à cette autre femme, qui avait manqué à l'engagement pris aux yeux de Dieu. On eût dit, tant elle avait accentué sa réponse, qu'elle tenait à proclamer tout haut sa résolution de ne jamais trahir son serment. La cérémonie fut bientôt terminée et Barbara, appuyée sur le bras de Carlyle, se dirigea vers la voiture qui devait les emmener tous les deux. La foule les reçut par des cris et des hurrahs mille fois répétés. Ils prirent place dans la calèche, l'un à côté de l'autre, et les chevaux partirent au galop. Carlyle, rompant le silence, se tourna tout à coup vers sa jeune épouse et d'une voix émue et presque douloureuse lui dit « Barbara, vous tiendrez vos serments, n'est-ce pas ? Vous me serez toujours fidèle. » Elle fixa sur lui ses yeux bleus et timides, pleins d'amour et humectés en ce moment des larmes qui jaillissaient de son cœur. « Oui, murmura-t-elle, toujours, jusqu'à la mort. » Fin de la deuxième partie.